force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Regarde à ton Dieu. Ne regarde pas aux hommes. Lorsque une situation te dépasse, ne regarde pas à un homme. Toi qui t'attends à ce que ton oncle te vienne au secours. Notre Dieu, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cesse de pleurer, invoque-le et tu verras la manifestation de sa puissance et de ta gloire. Réveille-toi là où tu es, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. La solution se trouve entre les mains de Jésus. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Marc 5, 21 à 34. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Marc 5, 21 à 34. Jésus dans la barque, regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Quelle histoire merveilleuse. Nous allons partager trois vérités tirées de ce texte. Première vérité, nous devons savoir que nous avons besoin de nous humilier auprès de Jésus dans la prière, pour qu'il agisse dans nos vies. Savoir s'humilier, quels que soient tes titres. Je vais parler à quelqu'un, tu es directeur, écoute-moi bien, tu as un grand salaire, tu as même un médecin personnel, mais j'aimerais te dire qu'il y a des situations que ton argent ne peut pas résoudre. Il y a des situations que ton médecin même ne peut pas résoudre. Oui, tu comptes beaucoup sur ton argent, tu comptes beaucoup sur tes titres, mais j'aimerais te dire que les problèmes que tu vis, c'est le Seigneur qui permet pour que tu apprennes à t'humilier. Oui, ne sois pas gonflé. Humilie-toi, reconnais tes limites d'homme. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, qui est capable de résoudre tes problèmes. Il faut comprendre que l'homme a l'incapacité de faire certaines choses. L'homme est limité. Mais devant la limite et l'incapacité de l'homme, il y a la capacité divine. Nous voyons dans ce passage ce qui s'est passé. On nous dit que Jésus, étant dans la barque, il y a une grande foule qui s'assemblait auprès de lui. Alors vint un des chefs de synagogue, verset 22, vous voyez. Donc c'était une autorité religieuse, un des chefs des synagogues. Je veux parler à quelqu'un. Tu es responsable dans l'église. Tu es peut-être pasteur. Tu es peut-être diacre, diaconesse. Tu es peut-être catéchiste. Tu es peut-être un religieux très respecté, président d'église. Mais il y a dans ta vie une situation pour laquelle tu dois apprendre toi-même à t'humilier, pour qu'on prie pour toi, pour que Jésus te touche. Est-ce que tu comprends? On dit un chef de synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Vous voyez? Un acte d'humilité. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Je vais parler à quelqu'un qui m'entend. Écoute-moi bien. Tu as une situation, tu fais semblant d'être heureux, d'être heureuse, alors qu'il y a un problème qui te ronge. Il y a une maladie qui te ronge. Il y a un problème financier qui te ronge. Humilie-toi, jette-toi aux pieds de Jésus. Oublie tes titres. Tu es peut-être ministre, ambassadeur, commandant. Oui, apprends à t'humilier auprès de Jésus. Il est capable de débloquer ta situation. Tu n'arrives même plus à dormir. Alors que le matin, lorsque tu te réveilles, tu roules à bord d'une voiture luxueuse. Tu fais semblant d'être heureux. Alors qu'au fond de toi, tu te sens malheureux. La solution à ton problème, c'est Jésus. Humilie-toi. Jette-toi aux pieds de Jésus. Dis-lui ton problème. Il est capable d'intervenir. C'est ce que cet homme a compris. L'un des chefs de synagogue, on dit, il se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. C'est ce qu'on appelle la prière de supplication. Tu comprends ton problème. Tu comprends que la solution de ton problème, c'est Jésus. Tu te jettes à ses pieds et tu le supplies. Vous voyez, écoutez sa prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il appelle Jésus au secours. Et le verset 24 dit, Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Deuxième vérité. Nous devons reconnaître qu'il y a des situations que la médecine humaine ou la médecine moderne ne peut résoudre. Il y a des questions, des problèmes que même les scientifiques ne peuvent résoudre. Nous devons reconnaître cela. Cependant, je ne dis pas que la science est mauvaise. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de consulter un médecin. Nous en avons besoin. Mais nous devons savoir que la médecine moderne a des limites. Je vais parler à une dame. Regarde bien. On t'a déjà opéré une fois. Et pourtant, ton problème revient toujours. Ton problème de fibrome revient toujours. Ton problème, je ne sais pas, de ce dont tu souffres. On t'a opéré parce que tu as toujours des douleurs au niveau du bas-ventre. La médecine humaine, la médecine moderne a des limites. Mais Jésus est illimité. Je vais parler à quelqu'un. Tu souffres d'une maladie. Ne sois pas désespéré. Même si ton médecin t'a dit que tu ne peux plus vivre pendant 6 mois, Jésus te dit... Tu peux vivre pendant 6 ans, même plus. Ne sois pas désespéré, prends courage. Le texte dit au verset 25, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, est-ce que tu comprends? On ne dit pas 12 semaines, hein? 12 ans. Femme, toi qui commences à pleurer parce que ta maladie a duré 2 ans. Écoute-moi bien, ne désespère pas. Quelle que soit la durée, quel que soit le problème, Jésus est capable de te guérir, d'intervenir. Jésus est au-dessus des médecins. Il est au-dessus même des gens qui t'ont dit tu vas mourir. Il est au-dessus même de cette tante qui t'a jeté le sort, qui t'a dit que tu ne vas plus vivre. Non, Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Une perte de sang depuis 12 ans. On dit qu'elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Cela veut dire qu'elle a changé de médecin. Je veux parler à quelqu'un. Tu es parti d'hôpital en hôpital. Tu as changé de clinique. Et tu as déjà dépensé plus même de 2 millions. Et vous n'avez même plus d'argent. Ton mari se plaint beaucoup. Parce que même la famille a beaucoup cotisé. Tu dis, il n'y a plus d'argent. Tout ce qu'il y avait en banque, on a vidé à cause de tes soins. Et vous êtes désespéré. On dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Vous voyez ce qui se passe? Mais on dit, elle allait plutôt en empirant. Vous voyez comment la médecine humaine ou la médecine moderne peut avoir des limites? C'est-à-dire que tu as un cardiologue, tu te fais soigner, il te fait soigner. Parfois, il se trompe même. Mais ta situation ne fait que t'empirer. Regarde la liste des produits que tu prends, qu'on t'a prescrit. Mais ça ne fait que s'empirer. Ne sois pas désespéré. J'aimerais te dire, il y a les docteurs de docteurs, les spécialistes de tous les cas impossibles. Jésus, il est à la fois cardiologue. Jésus, il est à la fois gynécologue. Il est à la fois pédiatre. Il est à la fois chirurgien. Il est spécialiste de toutes les spécialités. Ne sois pas désespéré. Viens à lui. Il est capable de résoudre ton problème. Troisième vérité nous montre le chemin de la guérison. C'est-à-dire notre part Toi qui souffres, toi qui as un problème difficile où les hommes ne peuvent pas résoudre, écoute-moi bien. Nous voyons ici, il y a deux éléments importants. D'abord, tu dois entendre parler de Jésus. La parole de Dieu, c'est elle qui crée la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est dit ici, au verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » Vous voyez, ce qui a créé la foi, c'est qu'elle a entendu parler de quelqu'un qui est différent des autres. Je vais te dire, toi, je ne sais pas, peut-être que tu es parti de marabout en marabout. On t'a dit, il faut aller voir un pasteur, tel prophète. Ce n'est pas le pasteur, le prophète dont tu as besoin. Ils ne sont que des hommes. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort sur la croix de Golgotha. Il a porté toutes tes souffrances. Il a porté toutes tes maladies. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous avons la guérison. C'est lui qui a la puissance, la capacité de te guérir. Et elle a entendu parler de celui-là. Deuxième élément, c'est la foi. Et cette foi doit être démontrée par les actes que tu poses. Cette femme a posé deux actes de foi. Est-ce que tu comprends? La première chose, on dit, elle vint par derrière et toucha son vêtement. Je vais dire à quelqu'un, pendant que je te parle là, il y a un malade qui veut toucher son vêtement. Et la puissance de Dieu va maintenant se dégager. Parce qu'elle a dit en elle-même, si je touche les pans de sa robe, je serai guéri. Deuxième acte de foi, elle a proclamé, elle a confessé quelque chose de positif. Elle a proclamé des paroles positives. Ne dis plus, moi je vais mourir, moi je ne serai pas guéri. Non, la foi proclame que je serai guéri, proclame que je serai embauché, proclame que j'aurai mon visa. Est-ce que tu comprends? Oui, je vais dire à quelqu'un qui souffre maintenant même, je ne sais pas de quoi tu souffres, quel que soit le nombre d'années, tu vas poser tes mains sur la radio Fréquence Vie maintenant même. Mais tu crois qu'en posant les mains sur cette radio, c'est la main de Jésus que tu touches maintenant. Et tu crois que la puissance de Dieu sort, la puissance de Jésus va sortir. Et maintenant tu reçois la guérison, tu reçois la guérison, tu reçois la guérison, tu reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de l'Esprit de Jésus descend sur toi maintenant même. Oh, alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Cette femme-là, lorsqu'elle a touché les pans de la robe de Jésus, Jésus sentit qu'il y avait une puissance qui est sortie. Et à l'instant, elle était guérie. À l'instant, il y a quelqu'un maintenant dont ta situation change. À l'instant, il y a quelque chose. Oui, toi qui souffres, tu sens des maux de tête. C'est comme si on a posé quelque chose de bizarre sur ta tête. Le Saint-Esprit est en train de te libérer, de te guérir maintenant. Tout ce qu'on a semé, je déclare quelqu'un sur qui on a posé comme un masque sur ton visage. Un masque. Oh, ce masque est en train d'être brisé dans le nom de Jésus. Ce vêtement noir, tu sens comme si tu dans le cimetière, on t'a enveloppé d'un vêtement noir. Maintenant même, la puissance de Jésus est en train de déchirer ce vêtement au nom de Jésus-Christ. Et tu reçois la guérison. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il est le Dieu merveilleux. Je voudrais que nous puissions chanter ces cantiques pour le louer, le célébrer, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait dans nos vies. Chantons ensemble. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Gloire à Dieu! Élevons nos voix pour le glorifier. Il est merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Yahvé Rapha, celui qui guérit toute maladie. Élevons nos voix. Tu es le Dieu qui donne la guérison. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois béni, ô notre Dieu, notre Seigneur. Toi, le Dieu qui débloque les situations les plus difficiles. Rien n'est impossible à toi. Tu es celui qui guérit toutes sortes de maladies. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom, notre Seigneur, notre Dieu. Toi qui résous les problèmes les plus difficiles, oh béni sois-tu notre Seigneur, toi le Dieu qui répand maintenant la foi dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin que nous puissions en ce moment toucher le pan de ta robe. Merci au Père, toi le Dieu qui est en train de répandre le Saint-Esprit maintenant pour guérir les malades, pour toucher ceux qui ont des problèmes les plus difficiles. Tu es le Dieu qui touche, le Dieu qui guérit, le Dieu qui transforme, le seul vrai Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh, sois béni, Seigneur, pour ta parole, la parole de vie que tu répands maintenant dans nos cœurs. Sois glorifié, toi, la parole faite chair. Au nom de Jésus, amen. Amen. Notre passage du jour, c'est Marc 5, 21 à 34. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Cette émission sera rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir que nous devons nous humilier pour que Jésus nous touche. Ce chef de la synagogue, il était une autorité religieuse, mais il avait un problème. Sa petite fille avait un problème. Il s'est humilié, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Chacun de nous va prier maintenant pour dire, Seigneur, je viens à toi. Voici mon problème, voici ma situation, voici la situation de ma famille, de mon mari, de mes enfants. Oui, tu vas prier au nom de Jésus. Humilie-toi maintenant là où tu es. Éternel Dieu, les cieux proclament la gloire de ton Fils ressuscité et rien n'est égal à ta bonté. Ta bonté qui nous environne chaque jour, ta bonté qui nous sécurise chaque jour. Nous t'implorons, Père éternel, ce matin, ô Père éternel, nous faisons appel à toi et nous faisons appel à ta bonté. Nous demandons au Père éternel, la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous nous humilions devant toi et nous faisons appel à toi. Interviens dans notre situation, Père éternel. Ce que nous traversons en ce moment, nous ne pouvons pas nous en sortir de nous-mêmes. Mais en nous humiliant devant toi, nous implorons ta grâce, nous demandons ton intervention. Par ta main puissante, délivre-nous de cette situation, ô Père éternel. Délivre notre conjoint de cette situation. Délivre nos enfants de cette situation, ô Père éternel. Parce que pendant longtemps, nous avons invoqué ton nom. Pendant longtemps, nous avons crié vers toi. Il n'y a pas de changement. Nous sommes reconnaissants du fait que par nos propres moyens, nous ne pouvons pas changer la situation. Nous demandons, Père, interviens dans notre situation. Notre situation professionnelle, notre situation conjugale, notre situation spirituelle, notre situation académique, intervient dans notre situation, change notre situation, fais prospérer nos activités, délivre-nous de cette maladie qui nous harcèle depuis longtemps, dans le nom de Jésus. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, nous mettons notre foi et notre confiance en toi, parce que tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'il y a des situations que les hommes ne peuvent pas résoudre, mais que seul Jésus peut résoudre. Cette femme, elle était atteinte d'une perte de sang, une maladie qui a perduré pendant 12 ans et n'avait pas de soulagement. Mais cette femme a dit, si je touche les pans de la robe de Jésus, je serai guérie. Tu vas commencer aussi à proclamer toi ta guérison. Tu vas commencer à proclamer la solution de ton problème. Ça peut être même un problème financier. Tu vas dire, Seigneur, je déclare le déblocage de ma situation au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus débloque ma situation, la situation de ta nomination, la situation de ta fécondité, de ta stérilité. Tu dis, maintenant, elle est résolue au nom de Jésus. Prie le Seigneur. De paix. bénissons ce matin notre Dieu, notre Père, celui qui nous a rachetés à un grand prix par la mort de son Fils, Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, qui s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis, pauvres pour que nous soyons riches. Il a brisé, il a livré en spectacle les œuvres du diable sur la croix de Golgotha. Qui sommes-nous ce matin? Cette femme, comme cette femme qui perdait son sang pendant 12 ans. 12 ans d'humiliation, 12 ans de rejet, 12 ans de douleur, 12 ans d'odeur nauséabonde, 12 ans mise en quarantaine. La loi la condamnait déjà. Elle a eu foi. Elle s'est levée et pour aller vers Jésus. Si je touche son vêtement, ce matin, comme cette femme, il y a encore beaucoup qui souffrent. Notre Dieu, notre Père, que la société a rejeté, que la famille a rejeté, que la loi a rejeté, même l'Église. Mais ils sont en train de crier vers toi ce matin. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ces hommes. Souviens-toi de ces femmes. Souviens-toi de ces personnes marginalisées, rejetées, condamnées. Que ton esprit agisse maintenant. Elles sont en train de pleurer. Qu'il lève les mains vers toi, Seigneur. Manifeste-toi. Qu'une force sorte de toi. Oh, par le pouvoir de ton esprit, de ta parole. Et les touche pour qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oui. Tu vas prier, tu as peut-être un ami, tu as un parent qui est malade. Oh, peut-être que vous êtes désespéré. Tu vas prier pour lui, pour que le Seigneur visite tous ceux qui souffrent dans les lits d'hôpitaux, dans les SHU, partout où ils sont, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous soyez en France, aux États-Unis. Oh, que la main du Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes. Intercédons pour les malades au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui guérit. La Bible dit que par tes maîtres sur nous sommes guéris. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Le psaume 107, verset 20. La Bible dit que tu es le Dieu qui a franchi ce matin par l'onction du Saint-Esprit. Je proclame que quiconque est malade, quelle que soit la maladie, quel que soit le temps de la durée de la maladie, je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, aux pharmaciens, au corps médical, maintenant, je proclame la possibilité en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au son de ma voix, je libère toute personne malade, je libère toute personne qui souffre. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance se manifeste pour détruire les œuvres des ténèbres dans les corps, que ton feu se manifeste pour consumer toute maladie dans les vies, dans les corps, dans nos systèmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame l'affranchissement des hommes, je proclame la guérison, je proclame la liberté, je proclame la vie dans les corps, là où l'ennemi a endommagé, là où l'ennemi a gâté, là où l'ennemi a courbé. Ce matin, j'ai dit, par la puissance du feu de l'esprit, la guérison est totale, la restauration est totale, la transformation est totale. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre grand rendez-vous, c'est le samedi 26 décembre à l'église Assemblée de Dieu d'Adjamé, spécial OSB d'Action des Grâces. Venez avec une offrande digne de Dieu pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Nous commencerons à partir de 9h. La mise en place commence à 6h. Soyons disciplinés. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. À demain. Puissant, à nous la force, la joie du Seigneur.